ready? Let's go! Rail suprême. 12h. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Ok, dimanche soir, rendez-vous avec Rail Suprême, avec DJ Case, comment va? Ça va très très bien. En pleine forme? Bah oui, comme toujours. Une grosse soirée ce soir. Ouais, une grosse soirée. Là, on va mettre plein de gros sons, même des sons qu'on n'a jamais mis. Donc restez à l'écoute. Et il y a un invité, qui s'appelle Scridge. Scridge, voilà. que tu nous présenteras tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Scridge qui est là, nouveau talent. Et on a déjà eu l'occasion de mettre son son la semaine dernière, Monica. C'est le fameux Monica, évidemment. Voilà. Le fameux Monica qui te fait déjà danser la France entière. C'est ça. Si ce n'est plus loin. Voilà, donc là ça démarre bien et toujours en exclu et démarrage sur Rail Suprême Skyrock. Donc, et bon, on y va, coup d'envoi. Allez, sur Rail Suprême, c'est parti. Rail Suprême, minuit, 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Call me. Bientôt ne collège, bientôt ne collège, oh bientôt ne collège, quoi, Emma wode pe bi embu abonfia ahopo pro mo yenye na bu huntia oya wotam fo ja no manimbia yambu amu amunsi na bu mpia se u pe mo ani o menyi na edi nana nya meni awaka no ne bebe mo ta u ma usa swa bi ponyi na tutu. So my party don't lose God, can't walk for my door, yeah. Everybody sing it, hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Everybody sing it, hallelujah, yeah. Hallelujah, let's go. Happy sing, oh, yeah. Yeah. Oh yeah, yeah. I say happy sing, oh, yeah. Oh yeah, yeah. Skyrock, Ragaï Suprême. Yeah.

T'as mis les chaussures croco mais sans chaussettes. Ah non, hein. Ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave. Ça, c'est grave. Ice Rise Suprême, minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Sur Skyrock. I'm

papa, para papa papa pa, Monica, pa para papa papa pa, para papa papa pa, para papa papa pa, Monica. DJ Kaze est là avec nous comme chaque dimanche soir, c'est Rail Suprême, déjà une première belle session, j'ai envie de dire, voilà, Kaze. Une belle session et ambiancée comme jamais. Ouais, et on a fini en beauté avec Monica. Monica, voilà, le fameux Monica. Voilà, gros son de Monica d'ailleurs, Skitch qui vient d'arriver, lui il va faire un petit live, showcase live sur la bande. Et ben on va vous présenter Skitch dans un instant, le temps de repartir pour une session mixée. Allez, on y va. On y va et après on vous présente Skitch, c'est parti. J'oublierai jamais Avec Fred et DJ Kaze sur Skyrock. J'oublierai jamais tes jolies lèvres. Je me souviens, je t'ai vu entrer dans la boîte. Je me souviens, je t'ai vu danser toute la night. Danser toute la night. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je la veux, je l'aurai. Je l'aime, je l'aurai pour la vie à mes côtés. Je t'ai vu avant lui, t'es à moi pas à lui. Il aime te voir danser, je ne peux te partager. J'ai tigné le reflet, ouais, mais bien les remords de l'ali. N'égo a qu'elle est toi, t'as le même fier de n'y se voir de l'ali. Igolo, igolo, rinti, figalbi, kaya. Dis qu'un tigalbi, omri, t'en va pas. Dans la boîte, Skyrock, j'ai vu danser toute la night. Danser toute la night. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je la veux, je l'aurai. Je l'ai vu, je la veux, je l'aurai pour la vie à mes côtés. يا محنا لا كلاس سدي شغلتي لي البال عذبتيني وما زال قعدت تقرا في فراس يا زفطة ولا كلاس روبلتيني وما زال بيه نسى قبل عوحة إلا سكيل فودرا سورتو نولي كوت با إل تنترا سكيل فودرا سورتو نكوا با نو نو جتي بو انتخي دون لا بوات جو مي سوفيان جتي بو دانسي توت لا نايت. Danser toute la night. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je l'aime, je l'aurai. Je l'ai vu, je l'aime, je l'aurai pour la vie à mes côtés. Nous deux c'est du sérieux, vous deux c'est tout foireux. On sera vraiment heureux, vous deux c'est déjà vieux. Parfois il faut choisir, ne choisis pas le pire. Il pourra être plus fort, je te prouverai qu'il a tort. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai. Je t'ai vu, je te veux, je t'aurai pour la vie à mes côtés. Je l'ai vu, je l'aime, je l'aurai. Je l'ai vu, je l'aime, je l'aurai pour la vie à mes côtés. Putain! de chaga de pute. Tumba de tumba de pute. Derrière de pute. T'arrives dans la boîte, on t'a localisé. Tu fais l'effet d'un frise, on est paralysé. Tout le monde dans la boîte veut te brutaliser. Pour payer la pub de terre si on veut t'arroser. T'as fait ton contouring, je t'ai bien maquillé. Ton meilleur ami, c'est ton père Alice. Tu vérifies si ta mesure a bien été posée. Quand tu n'es pas un couple, tu ne veux pas te poser. Tu ne bois pas du champagne, tu bois du rose. Ton boulet aussi grand que Ricky Rose. Dans le 9-1, on t'a vrouvrou. Dans le 9-2, on t'a vrouvrou. Dans le 9-3, on t'a vrouvrou. Dans le 2-0, on t'a vrouvrou. C'est Rise Supreme sur Skyrock. Chambre d'amour, rempli d'ennui. Rise Supreme, avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. Belle de jour, vit la nuit. Elle aime trop ça, les gros lossa. Rouge à lèvres, bouche à rissa. Fille facile, talons aiguilles. Par ici, elle aime trop ça.

DJK sur Skyrock. Africa! Suprême sur Skyrock. Yeah. plus tard on s'aimait tout un soir. Ton horizon n'a au lieu. Nous deux c'est fini, y'a plus d'espoir. Tu défends où tu étais. Shopping sur les champs à Agora. Tu m'as juste utilisé. Pas de lune de miel à Bora Bora. J'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir poncé. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la zumba. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote y'a rumba. Parce que t'es une joroto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les carrés de DJ Case, et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe Lain.

battue. T'as un Fiat 500, t'es oppressante. Quand t'es de profil, on dirait qu'un vachien. Que des billets de 500, tu souris en dansant, je te trouve attachant. T'as un Fiat 500, t'es oppressante. Quand t'es de profil, on dirait qu'un vachien. Que des billets de 500, tu souris en dansant, je te trouve un peu chiant. Et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf. J'veux ma pillage, gonfler ma liasse, poser dans Riyad, oh mamma mia. Et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf, et moi j'ai pillaf. J'veux ma pillage, gonfler ma liasse, poser dans Riyad, oh mamma mia. C'est dimanche soir et le dimanche soir c'est Rail Suprême avec DJ Case au contrôle. Dis donc, t'as pas parlé des soirées, qu'est-ce qui se passe, Case? Y'a plus de soirée, y'a plus rien? Si, si, y'a. Pour les gens qui veulent s'ambiancer en vrai, te rencontrer en vrai, voir ton vrai t-shirt kaki, ton vrai t-shirt de guerrier, comment on fait? Alors le 18 mars, je suis à Noyon, c'est au Monte Cristo. Et ça dans l'Oise. Voilà, et le 19, je savais pas où c'était d'ailleurs. Dans l'Oise, ouais, très très bien. Okay. Et le samedi... et samedi 19 mars à Montpellier à l'Infinity. Et l'Infinity Montpellier, voilà. Aussi, attends, on aime beaucoup les Montpellierais, Montpellierennes surtout, qui sont toujours pas les derniers pour faire la fête. Donc loupez pas Case qui est là-bas. C'est rappelle-nous la date. Le samedi 19 mars, donc samedi prochain. Donc pas louper, tu nous présentes Scridge. Scridge, oui, bien sûr. Alors qui est Scridge? Voilà, alors Scridge, moi la première fois que je l'ai vu, c'était avec les frérots Farid Oussama que tu connais, qui font un carnage sur la toile. Et voilà. Les fougueux Farid et Oussama. La première fois que je l'ai vu, c'était avec eux. Et puis ensuite, il nous avait dit qu'il chantait. Et puis, je crois qu'après quelques petites vacances, il est revenu. Il nous a fait découvrir plein de sons et son talent caché. Scridge. Oui, Fred. Comment va? On va ce dimanche soir bien? Très très bien, et toi? Eh bien écoute, bienvenue dans ce Rail Suprême. Alors, il t'a présenté un petit peu, qu'est-ce qu'il a pu oublier? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur c'était toi? C'était très bref. Hein. C'était très rapide. Déjà, je voulais dire un grand merci pour l'invitation. Et il a pas tout dit. J'étais sûr, de toute façon, il oublie toujours un petit truc. Il faut dire les origines, il vient du Kenya. Et ben voilà, tu vas où, tu as fait quoi, tu fais quoi maintenant et tu vas faire quoi surtout après? Non, là, là-bas, je suis de Rennes. Je suis un artiste de Rennes. Donc moi, j'aime beaucoup là-bas. Il y a une rue qui s'appelle la rue de la soie. Ah, c'est la rue des Soulards, là-bas. Ah bon? Si t'aimes bien la vie, nous rendez-vous là-bas. Ah, ça va. Alors, qui est par contre cette Monica? Qu'on a envie de connaître, de savoir qui est un peu cette Monica. Chut, surprise, Fred, faut voir ça au clip. On verra. Bon, tout va bien, on peut le trouver où d'ailleurs ce son, Monica? Bah, pour l'instant, le morceau, il n'est pas encore disponible. Il est pas dispo. Sur la toile. Donc, on vous a donné l'exclusivité. Merci. Donc, pour la suite. Ça arrive très très très prochainement. Bon, est-ce que tu es prêt à nous ambiancer tout ça, Scridge? Est-ce que tu es chaud pour nous ambiancer cette session? Je suis chaud, très très chaud comme d'habitude. Tu vas faire, c'est quoi, un petit showcase? Mini showcase. On y va, c'est allez, parti. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock Rail Suprême. Scridge avec Case au contrôle. Ouais. Rail Suprême. Monica. DJ Case sur Skyrock. Monica. Ta ta ra ra ta ta ta ta ra ra ta ta ta ta ra ra ta ta ta ta ra ra ta ta ta ta ra ra ta ta ta ta ra ra ta ta. Je recevais des petits mots, ce n'était pas anodin. J'étais assis au fond de la classe avec un mauvais bulletin. Je te rejetais à chaque fois que tu venais vers moi. T'étais pas du tout mon genre, tes cheveux dans les couloirs. Tous les garçons faisaient que de se moquer. Tes lunettes rondes et tes boutons d'acné. T'étais la moins belle de la cité. T'as fait preuve de courage et de vivacité. Avant je jouais les cadors, pas à la maison mais dehors. Devant chez moi quand tu promenais ton labrador. Monica, on y va. Monica, on y va, refais ta vie, Monica, t'es si jolie, Monica, nouvelle vie, Monica. Refais ta vie, Monica, t'es si jolie, Monica, nouvelle vie, Monica. Nous Deuxième épisode, on s'était pas revu depuis l'école. Monica, qu'est-ce que tu fais cet après? Moi je vais au studio et après au code. Elle m'a dit j'ai pas de fun, j'suis pas ta bouffonne. La roue a tourné et maintenant tu t'étonnes. Elle lâche des coms, des mauvais coms. Alors qu'à l'ancienne elle pleurait comme une conne. Je veux la conquérir mais faudrait que je me dépêche. Mon temps vu l'ouvrir à mes yeux, elle est si fraîche. Monica, j'prends ton billet pour Marrakech. Loca, loca, on visitera Rome en calèche. Refais ta vie, Monica. T'es si jolie, Monica. Nouvelle vie, Monica. Ankara. Refais ta vie, Monica. T'es si jolie, Monica. Nouvelle vie, Monica. Papa la papa papa pam, papa papa papa pam, papa papa papa pam, Monica. Papa la papa papa pam, papa papa papa pam, papa papa papa pam, Monica. Refais ta vie, Monica. T'es si jolie, Monica. T'es si jolie, Monica. Aïe aïe aïe. Refais ta vie, Monica. T'es si jolie, Monica. Nouvelle vie, Monica. Sky rock, rock. Papa la papa papa pam, papa la papa papa pam, papa la papa papa pam, Monica. DJ Kaiser et Suprême, on est ensemble la famille. Exclusivité Monica. Monica. Rai Suprême. Histoire de l'homme. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Ça faisait longtemps qu'un baladait, fini ni. Ça faisait longtemps qu'un baladait, fini ni. Aïe. Petite, petite, petite, petite, t'es pas vulgaire, t'es classe, c'est ça que je kiffe. Faut pas que tu flippes, faut pas que tu flippes. Y'a des chances pour toi, une disque. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. J'aimerais t'entendre. Vas-y, viens à mes bras et ramène tous tes pincos. J'aimerais t'embrasser et t'embrasser, t'embrasser jusqu'à fatiguer. J'aimerais t'entendre. Vas-y, viens dans mes bras, vas-y, viens dans mes bras. Malissa, y'a, y'a. Ce n'est qu'une histoire de love. Je t'ai vu, tu m'as vu, tu me fuis sans raison. Ton inconscience me dit que c'est mort. Mais ton cœur bat si fort, faut que tu te fasses une raison. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Everyday man, everyday, choqué par ta beauté naturelle même au réveil. Holiday man, holiday, on ira loin à Miami pour un bain de soleil. Ma langue ira du sol comme une Lamborghini. Par le genre de mec à faire le mytho. La tête, car on n'a qu'une seule vie. Vas-y viens contre moi, qu'on se fasse un selfie. J'aimerais t'entendre. Vas-y viens dans mes bras, ramène tout tes pinko. J'aimerais t'embrasser et t'embrasser, t'embrasser jusqu'à fatiguer. Mais vas-y viens dans mes bras, vas-y viens dans mes bras. Malissa, ya, ya. Ce n'est qu'une histoire de love. Je t'ai vu, tu me fuis sans raison. Ton inconscience me dit que c'est mort. Mais ton cœur bat si fort, faut que tu te fasses une raison. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Je pense à ce qu'on a vécu. Tu voulais du love mais pour ça faut du temps. J'avoue j'ai été têtu. Reviens dans ma life faire ça intelligemment. Je pense à ce qu'on a vécu. Tu voulais du love mais pour ça faut du temps. J'avoue j'ai été têtu. Reviens dans ma life faire ça intelligemment. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. Elle est sexy sans forcer. Ce n'est qu'une histoire de love. Je t'ai vu, tu me fuis sans raison. Ton inconscience me dit que c'est mort. Mais ton cœur bat si fort, faut que tu te fasses une raison. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. Tous les deux, ce n'est pas fini, ni. J'aimerais t'entendre. Un bisou, juste un bisou. J'aimerais t'embrasser. Un beso, sol, un beso. J'aimerais t'entendre. Un bisou, juste un bisou. Aïe, aïe, aïe. DJ Kaiz. Rai Suprême, Justin Record, on est ensemble. Mero mama eh. Mero mama eh. Mero mama eh. Mero mama eh. Mero mama eh. Mero mama eh. Mero mama eh. Et Vazao à la prod. Veuve noire. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Tu m'as volé mon cœur pendant que j'ai dormi. Ouais, on est ensemble. Coucou DJ tout le monde, c'est DJ Case. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Skyrock. Justin Record. DJ Case, on est ensemble sur Rail Suprême aujourd'hui. Skyrock. Rail Suprême. Parada, eh. Pam pararam. Parada, eh. Voir ses proches changer en ennemis, ça fait pire que mal. L'argent et les femmes nous divisent, ça fait mal. Même si tu m'as trahi et déçu, il faut pas que je bade. J'ai plus confiance en toi, c'est l'heure des funérailles. Na na na eh. C'est Rail Suprême. Na, na, eh. Dédicace, Martino, bonjour, on est ensemble. Gigi, on est là, la famille. On vous voit, on vous voit. Le moral à zéro, victime de trahison. J'ai toujours été double. J'aurais dû m'écouter, j'avais grave raison. Victime de trahison, oui, de trahison. Prêt à tout donner. Je ne savais pas que t'allais m'y tonner. Je t'ai parlé à cœur ouvert. L'abus de confiance depuis l'âge pubère. T'as voulu me prendre le bras quand je t'ai tendu la main. T'as oublié le passé, je pense à demain. T'as voulu me voir souffrir, mourir, tout détruire. Mais sans rancune, j'oublie tout ça. Mais voir ses proches changer en ennemis, ça fait pire que mal. L'argent et les femmes nous divisent, ça fait mal. Même si tu m'as trahi et déçu, il faut pas que je bade. J'ai plus confiance en toi, c'est l'heure des funérailles. Ok, dédicace à ma faille. La Rail Suprême. Minuit, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ouais. Rail Suprême, Gigi, JB, Martino, bonjour, ensemble la famille. On vous voit sur Rail Suprême tous les dimanches. Skyrock. Trahison. Trahison, j'aurais dû m'écouter, j'avais grave raison. Victime de trahison, oui, de trahison. Ouais. On est ensemble, Kaïs, c'est comment? Dans mon secteur, gros, ça écoute tout. Y'a des braves, des traîtres et des poupous. Elle aime les pigeons et les toutous. Y'a par lui, elle se rend tout dans la foufoune. J'suis le sang de la veine, j'suis ton chouchou. Mais je t'ai plus vu quand c'était trop chaud. Envoie la plaquette, les petits découpent tout. Ça me demande des photos, ça gratte des poupou. T'es trop en buvette et tu la cambou. Elle a pas faim, tu vas faire un gambu. Poto, pourquoi tu me lâches pour du bambou? À t'écouter, tu niques tout le monde de toi, t'es Rambo. À ce qui paraît, tu tournes pour avoir des infos. Ah, c'est son crème. Avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. Poto, c'est bien beau. Si sur le machin, tu danses le mambo. T'es tout speed, poto, t'as abusé sur la CC. Tu me fais la timide mais t'aimes les fessées. Sous la cagoule c'est dur, alors écoute couche. Showcase pour être devant, ça se met des coups de coude. Quand demain je prends une frappe et je les nique tous. Et quand je bosse, ils dansent bien. Mousse, pas d'USB dans le gamin, son mille Bluetooth. Je passe en zone dans Marseille, je les emboute tous. Au début c'est wesh la mise, je te fais coucou. Après je te mets une disquette pour te mettre mon coucou. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est Joule, je représente ma thèse. Je te sens pas à l'aise. Ici c'est sombre, on fait jamais la fête. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est Jules, je représente ma thèse. Et dans toi là, je te sens pas à l'aise. Tu te rappelles en faisant trop le balèze. Mais qu'est-ce qui lui arrive, elle veut mes flou-flous. Sorcellerie dans le couscous. Et c'est mort au quartier, y'a plus des gueules. Ils ont regardé tout

et Samira Khadou, j'ai même Katarina. Hey wa, Yas dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. J'suis dans mon bolide. شحكي يد الحالة قطعت بحور زماني دور والغربة قد تعالى إن بكي نشكي وأقول على شحكي يد الحالة فركني يا من وحداني يغلب براني كل ديرانا فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مهدا أنا فركني يا العالي من اللي وحداني يغلب براني كل ديرانا فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مهدا أنا trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, puis ensemble. T'as juste la crosse en dansant, pensant notre pays. C'est avant l'âge de vie, ils veulent donner des ordres, être les vendus qui obéissent. Dans les cartes, on s'éternise, on croit pas les dieux rares. Mais putain, on s'éternise, c'est que des meurs qui font bras. T'as pas le drap, pas ton délire et on t'admirer. Tu menaces pas, après je m'en irai. Vivant, limpide, vent, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoirait l'histoire. On s'en fait tard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrant en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à Tarasli. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husli. Salut tout le monde, c'est DJ KS. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême.

jamais. Sale de la vie, je m'en pleurerai. Oh, amen, ambiance, y'a pas problème. Khaled m'a dit système, ça c'est une leçon qu'on aime. Partout c'est la même, parfois fatigué c'est le thème. Même pas fatigué, ce soir il faut danser. On va tout donner. Willy, Willy, wesh koulli bleu. Willy, Willy, wa'oujouk aliyya. Wesh hada, nari nari. Dimanche soir à minuit pour Rai Suprême. Je frappe dans la cité, ça prend du shit dans la mêle. Et ramener, c'est toi qui fais le mac au final, tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, je mets un masque sous le casque KGB. C'est tout la LON, on dirait que la pointa. C'est pour les frangins qui mettent un ilangin. Normal pour les anciens, pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en crête, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Les chétans de des grosses peines, des beaux mètres à lui. Et j'gamberge, j'fume plus, j'oublie. Si on fait en boîte, normal. Comme but ta vole, normal. C'est pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En cas de poursuite, normal. Cherche la plaque, normal. Père de hôte, normal. En fait, en fait, normal. J'ai vu platine, minuit 2 heures dans Rai Suprême, sur Skyrock. Thank you.

coriaces, les forces de l'eau. Ils sont pleins de manie, je voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps, que la rune valide. Que sauf quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En une Honda, fais le comme d'hab. Rap ta dans la porte, on a fini comme d'hab. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis à la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je sais pas raisonnable. L'enfant de ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le règlement tous ils nous tournent, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est platine, minuit deux heures, dans High Supreme, c'est Skyrock. Suprême avec DJ Case qui était au contrôle ce soir une fois de plus. Case, ouais. Merci à toi. Oui, t'as vu, on va y une belle pour, soirée hein. Pour les auditeurs avec le hashtag Rail Suprême. Là, tu rentres te coucher ou il y a une soirée Non, là, ouais, Dodo je rentre me coucher. Ouais. Va prendre des forces pour Noyon, pour Montpellier. C'est ça. Donc vendredi prochain, je suis à Noyon au Monte Cristo et le samedi prochain à Montpellier à l'Infinity. Voilà, on a passé une super bonne soirée. Ouais, grand merci à Screech. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis toi aussi on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, tu es périscopé ou... Pas encore. Ah. Non, pas encore. Pourtant, j'aimerais bien te suivre parfois. On est paro pour le moment. J'aimerais bien te voir en live. Dans pas longtemps je pense, ouais. Comme on est sur la fin là, du nouvel album qui va sortir. Et qui s'appellera l'été. Alors on sait ou pas encore. Mais la semaine dernière c'était peut-être DJ Case. Peut-être DJ Case, peut-être, on va l'appeler, voilà. Ça et va être clair, net, simple. Et précis. Voilà, c'est ça. Et donc il y aura à peu près une 12-15 de titres avec les gros noms de la scène, rap, R&B, afro, tout ça. Une tuerie, on attend ça avec impatience. Merci Case en tout cas. Yes, merci à vous. Passez une bonne soirée sur Skyrock, le son rap, R&B en non-stop. C'est reparti, ciao. 100% français. 100% français. toute la journée sur Skyrock.